Chambre garçon, c'est pour moi. C'est la temps pour repos. Week-end des moments. Belle petite promenade dans nos temps. Oui, ma prière, le bon Dieu. Pour me servir, mon bébé. Petite parole tout petit. Parmi voisinage, bien ce qu'on ne pas attendait. Tellement caresse la douce. Si mon voisinage, bien ce qu'on ne pas c'est pour moi, c'est la dame pour repos. Week-end des moments, belle petite promenade dans nos temps. Oui, ma brille, les bon Dieu, pour me servir, mon bébé. Si pas Walt, tout petit, parmi le voisinage, n'y a pas de pas attendre. Telle ma caresse, la douce. Mon voisinage, qu'est-ce qu'on nous attendait? Oui, ma belle, bon Dieu dans le ciel. Si n'a point un garçon ici, yon belle petite fille, mais ta cougisle, son femme cap caressel. Oui, ma belle, bon Dieu dans le ciel. Si n'a point un garçon ici, yon belle bébé, mais ta cougisle, mais son femme cap caressel. Nan peyi bam, nan pe bagay konsa. Peyi bam, fap pa komande. Yo pa komande, yo pa komande. Nan peyi bam, fap pa komande. Ay se fama, se fama, se fama, se fama. Nan peyi bam, fap pa komande. Koupe gen fam, veni to gen fam. Nan peyi bam, fap pa komande. E pos pe gen fam, seleste gen fam. Nan peyi bam. André Serra est femme, mais también est femme. Dans le pays bas, femme va commander. Aïe, belle rive est femme, tout comme on est femme. Dans le pays bas, femme va sangue fam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam lolé lolé pay pam fam pa commandé c'est femme c'est femme c'est femme c'est femme pay pam fam pa commandé c'est première fois m'tendons parole comme ça.